Section 5. Deuxième partie. Suite. 3 semaines passèrent sans que l'on me permît de revoir la grangère. Seconde, qui venait me porter des fruits ou des confitures, prétextait je ne sais quelle indisposition de ma tante. Je pense que celle-ci ne faisait qu'obéir au conseil du directeur et que c'était pour m'habituer mieux à ma nouvelle vie qu'on me privait d'en sortir. Je m'en plaignis à ma mère, je lui écrivais le jeudi et le dimanche, seul jour où nous fussions autorisés à correspondre. Je l'aurais fait plus souvent si j'avais pu, comme mes camarades, cacher mon travail, mais j'occupais la première rangée de tables en études, et mon papier à lettres était rose. Le maître se serait bien vite aperçu de ma témérité. Dans ses réponses datées d'une petite ville de Provence, ma mère me demandait de prendre patience, de travailler bien, de n'être pas triste, et m'assurait de sa grande affection. Je gardais ses lettres sur moi et les relisais chaque soir, mes devoirs achevés. En me couchant, je les glissais sous mon traversin. Il me fallut suivre, outre celle du jeudi, la promenade du dimanche, qui m'était plus pénible encore. La ville que nous traversions, rangée par deux, avait son air de fête, et les gens s'arrêtaient sur les allées pour nous regarder passer. Un peu de fierté me venait de mon uniforme, je l'oubliais à voir les enfants simplement vêtus qui tenaient la main de leur mère. Les dernières maisons dépassées, le maître donnait le signal, et, les rangs rompus, nous allions groupés à notre gré. J'éprouvais d'abord quelque joie de me trouver à l'air libre et devant la campagne, puis, peu à peu, je ne sais quelle langueur me pénétrait. Les champs étaient déserts, les logis fermés, des appels aux vêpres traînaient sans qu'on pût deviner où sonnaient les cloches. On eût cru, par moments, qu'elles tintaient très haut, au-delà de la voûte grise du ciel. Nous marchions d'un pas mesuré, que le maître hâtait quand il le jugeait trop peu rapide pour le parcours imposé. Ce n'était pas toujours M. Lorrain qui nous conduisait, mais quelquefois le maître des moyens, dont la moitié des élèves se joignait à nous. Il était violent, aigri par sa division difficile et se montrait dur, même avec nous. Quel qu'il fût, le maître ne voulait pas qu'on demeurât en arrière. On avançait en causant le long de la route, à deux ou à plusieurs, suivant les sympathies. Certains allaient seuls, j'étais souvent de ceux-ci. Les herbes commençaient à pousser aux pentes des fossés, et dans l'épaisseur épineuse de la haie restaient piqués les fruits rouges de l'aubépine, ou la menue poire orangée de l'églantier. Il traînait une odeur de feuilles rouies. Au loin, après les champs de vigne, où se profilaient des arbres nus, l'horizon pâlissait sous un voile de brouillard fin. Charlot ramassait des cailloux. Il ne cessait pas de se baisser, croyant toujours trouver le plus rare, qu'il jetait bientôt à la vue d'un nouveau. Il finissait par gonfler les poches vides de l'uniforme autant que l'était, dans la semaine, celle de son tablier, où se trouvaient ensemble un mouchoir, de la ficelle, une toupie, des bons points, de la craie, un couteau et, quelquefois, des choses plus inattendues qu'Upu lui envier Ravet. Parmi ces cailloux ramassés en chemin, il m'en montra de polis, comme des dragées, d'autres translucides, qu'il pensait être pleins d'une eau congelée. L'un d'eux, plus rugueux, cassé par la masse du cantonnier, laissait voir un cœur cristallin, violet clair, qui me rappelait les grains du chapelet que ma tante disait à l'église. Deux galets, plus gros, choqués ensemble, donnaient une étincelle et sentaient la pierre brûlée. Charlot allait de trouvaille en trouvaille, comme si la route eût été semée d'un trésor sur lequel les autres passaient en traînant les pieds. Devant nous marchaient Bereng et Terrouet, chacun parlant haut au sein d'un groupe et cherchant à s'intéresser mutuellement. Les moyens que Rupert et le grand Charlot escortaient menaient la colonne. Ils allaient si vite qu'il fallait leur crier d'arrêter plusieurs fois par promenade. Durant l'une d'elles, ils tentèrent d'allumer des cigarettes, mais la fumée les trahit et M. Lorrain nous contraignit à faire halte pour les tancer sévèrement. L'itinéraire fixé d'avance nous ramenait au collège dès le crépuscule. Les premières lueurs naissaient aux fenêtres de la petite ville, les promeneurs regagnaient le foyer, nous rentrions aussi. Il fallait rapidement reprendre au dortoir les vêtements ordinaires. Le goûter nous attendait dans la cour silencieuse. Les études ouvertes commençaient de s'allumer. La cloche sonnait alors l'heure la plus lourde de la journée. Notre effectif réduit par les permis de sortie laissait vide la moitié des bancs, ce qui nous forçait de penser aux absents heureux. Oubliés ou punis, nous étions ceux que le dimanche avait déçus. Pendant la monotonie de la semaine, nous persistions à attendre de lui notre part de joie hebdomadaire. La messe, oui, dès le réveil, à la chapelle, nous semblait déjà une promesse. La matinée passait, partagée entre l'étude et la cour, la promenade, malgré l'ennui de l'habillage, l'inspection au départ, nous distrayait encore. Mais, au retour, la seule perspective nous restait de 3 heures d'immobilité sous les hautes lampes, d'un dîner rapide et du coucher prompt. Il fallait bien s'avouer que le dimanche n'avait pour nous rien tenu de ses promesses. Les livres de comptes ne nous tentaient même plus. Bereng les connaissait depuis 4 ans et, couché sur sa table, répondait « Je m'ennuie » à M. Lorrain qui le priait de se mieux tenir. Moi-même, je n'ignorais rien de la bibliothèque rose et les voyages me lassaient. Les plus sages jouaient à pousser un morceau de papier le long des diagonales d'un carré dessiné à la craie ou à chercher des noms de villes sur la carte d'Europe. Mouk seul trouvait le courage de repasser pour le lundi les leçons apprises la veille. Si quelques rires s'étouffaient dans le fond, M. Lorrain ne levait même pas ses yeux, qu'un moindre bruit inquiétait en temps ordinaire. La flamme du gaz se reflétait dans les vitres noires. Il semblait que les heures eussent doublé et que la cloche ne nous délivrerait point. Un par un rentraient les élèves sortis le matin. Nous nous glissions auprès d'eux pour leur faire compter leur journée. Leurs correspondants les avaient promenés au bord du fleuve, parmi les familles et les enfants de la ville, et les disaient avoir aperçu des externes et rapporté des oranges dont on avait chargé leurs poches au départ. L'uniforme gardé les distinguait encore, et leurs yeux montraient une joie qui n'était pas dans les nôtres. Il en venait d'autres, au repas. Ils s'asseyaient près de nous sans vouloir toucher à leur part, qu'ils cédaient aux voisins. Les derniers nous attendaient au pied de l'escalier du dortoir, mais Jean seul rentrait après l'heure, alors que le maître lui-même était couché, et la longue salle pleine d'un sommeil que faisait plus pesant le grand air respiré et la marche inaccoutumée. Mais je l'entendais gagner sa place, sur la pointe des bottines qui craquaient, dévêtir sa chemise roide, croquer un dernier biscuit ou laisser tomber de sa poche des noisettes qui roulaient sous les lits. J'eus enfin, en me réveillant un dimanche, la joie de penser que j'allais sortir dans quelques heures. J'en avais reçu l'assurance la veille par Maria, venue me dire en se rendant au marché que ma tante me prendrait au retour de la grand-messe. Lorsque la voiture m'emporta, je souhaitais en moi-même que ce fût pour longtemps. Puis, un tel besoin de parler me saisit que je persistais, malgré le tapage des vitres, à renseigner ma tante sur le règlement de ma nouvelle vie. Elle se perdait dans la distribution des heures, mais je me répétais avec complaisance, au point de ne pas m'apercevoir que nous arrivions. Il me fallait reconquérir mon domaine. Je parcourus le jardin que j'avais laissé mort et qui s'éveillait. De hâtifs personnages jaillissaient partout, et sous ces feuilles recroquevillées, je découvris une violette sans parfum que je cueillis. Le temps était doux, je me sentis libre. Un grand bonheur vint en moi, et la journée tout entière fut heureuse. Les dimanches redevinrent alors la halte certaine que je pouvais espérer durant l'étape de la semaine. Je ne vivais que pour eux, et dans la plus grande sagesse, de peur que la joie que j'en attendais me fût ôtée. Le samedi me devenait insupportable et me paraissait exagérer sa longueur. Je ne pouvais imaginer que mes camarades s'éveillassent le lendemain, résignés à vivre ce jour-là comme les autres, et je ne songeais pas sans frémir au temps où j'étais aussi prisonnier. Je trouvais à chaque visite quelques nouvelles corolles ouvertes. Après les personnages, flétris sous les dernières nuits froides, les crocus étaient sortis en collerette jaune. Il me semblait qu'ils la prenaient pour me recevoir. Les jacinthes doubles gonflaient leurs grappes roses ou blanches, puis ce furent les anémones et les longs jets tendres des lilas. En même temps qu'au bout des branches, les bourgeons de marronniers s'ouvraient en gousses trop mûres. Les rosiers se hasardèrent à déplier d'humbles feuilles transies et toutes roses dans la lumière. Des pousses dont je ne savais ni le nom ni la fleur crevaient la terre friable des massifs. Un jour, je trouvai des pervenches. Je priai ma tante de me laisser inviter Charlot. Il n'osait accepter sans son frère, mais celui-ci ne se montra point jaloux de le suivre, et je pus amener mon camarade. Le plaisir le fit presque muet. Il manifestait un grand respect envers Seconde et levait sur ma tante des yeux reconnaissants. Nous tentâmes de jouer dans le jardin, mais toutes les choses l'attiraient. Il se pencha au bord du bassin où vivaient deux poissons gris qui passaient et repassaient sous le reflet de notre visage. L'herbe fourmillait au soleil de bestioles plates et rouges, marquées de noir sur le dos. Charlot m'assurait que c'était leur nom que chacune portait ainsi, écrit à l'encre, pour ne pas se perdre. Elles allaient le plus souvent, liées par couple, et marchaient de côté. Il découvrit des escargots sous le buis des bordures et se mit à les recueillir dans sa casquette pour les porter aux poules que nous regardâmes les décortiquer d'un bec brutal sur le sol. Leur caquetage et leur œil curieux amusaient Charlot. Il remarquait la prudence avec laquelle elles posaient à terre leurs pattes, un instant repliées. L'ombre les vêtait de serge noire, mais leur plumage imbriqué devenait au soleil une moulante armure qui luisait. Nous prîmes dans le foin leurs œufs tièdes et les portâmes à la cuisine, comme on nous appelait pour le goûter. Sur le pas de la porte, Seconde nous tendait des tartines, où sa meilleure confiture s'étalait. Nous les mangeâmes sous la charmille, dont les feuilles naissantes laissaient filtrer un jour vert. Charlot me parla de sa mère qui vivait seule et le laissait depuis quelque temps sans nouvelles, à cause d'un voyage qu'elle faisait. Elle l'avait confié tout petit à un parent dans les Landes et ne put de longtemps l'y aller chercher. Quand elle revint, Charlot l'appela « Mademoiselle » et s'étonna de l'avoir pleurée. Elle l'envoya rejoindre l'aînée au collège. Elle les y surprenait quelquefois de sa visite. Je pus la connaître un jeudi dans la cour où elle s'était avancée. Les grands se la montraient des yeux et souriaient en parlant bas. Le goûter terminé, nous regardions entre les branches le paysage calme du dimanche. Charlot faisait aller ses jambes sous le banc et les dents rapprochées susurraient une polka qu'il aimait. Soudain, je m'aperçus qu'un œuf oublié dans ma poche venait de s'y briser. Nous nous entendîmes pour n'en rien dire, mais nous eûmes devant ma tante de tels regards de complicité que je dus avouer ma maladresse et livrer ma veste au nettoyage. Chaque fois ensuite qu'on nous servit des œufs au réfectoire, Charlot ne manqua pas de me faire signe en souriant, parce qu'il lui rappelait notre journée à la grangère. Je retrouvais ces jours-là l'accueil de la maison au crépuscule lorsque devenait hostile le jardin où je m'attardais. La lampe s'allumait, le feu brillait encore et son reflet dansait au panneau du bahut. J'avais obtenu par faveur de prolonger jusqu'au lundi matin mes sorties. Je savais que le sommeil seul finirait ma soirée et que toute la nuit me séparait du départ. Les heures passaient doucement battues par l'horloge dans sa gaine. Le livre était beau, le repas tranquille et je me souvenais alors de ma prière. Pâques approchait. La sortie était fixée à la veille des rameaux. Chacun de nous possédait un calendrier de poche où il biffait, un à un, les jours qui nous séparaient encore des vacances. On ne calculait plus seulement leur nombre, mais celui des heures et des minutes, sans tomber d'accord sur le résultat. Des feuilles circulaires où nous dûmes inscrire l'heure du départ, le but du voyage, et le moyen de locomotion nécessaire à celui-ci. Rupert, fils d'un propriétaire des environs, partait seul et à pied. Florent, originaire d'une commune voisine, s'en allait avec le groupe des ruraux qu'une même voiture venait quérir. Calva et Méjean prenaient, avec quelques autres, le chemin de fer du chef-lieu. Terrouet descendait le fleuve, Gernon le remontait. Après avoir craint de rester, Bereng allait revoir l'Espagne et montrait sur la carte, à travers landes et montagnes, le trajet qu'il devait accomplir. Une fièvre d'impatience nous gagnait. Contenue dans notre étude, elle agitait les grands et soulevait les moyens que nous entendions à travers la cloison bourdonner en chœur ou éclater d'un bruyant rire que la voix de leur maître ne parvenait pas à dominer. Des retenues furent infligées, quelques départs retardés, mais les maîtres se punissaient ainsi eux-mêmes et leur sévérité, désarmée, s'atténuait. Le samedi désiré vint enfin et, dès 4 heures, avec le flot des externes, une partie des nôtres s'écoula. Il me fallut attendre que Justin vînt me chercher, et, comme il tardait, je vis appeler les derniers groupes que les maîtres conduisaient à leur train. Quelques grands et moyens punis devaient demeurer la nuit encore. Ravet ne sortait pas, Charlot non plus, l'aîné seul ayant trouvé asile chez son parrain. Calva demeurait aussi, on venait de découvrir qu'il se livrait, aidé d'un externe, un commerce d'oranges, fort rémunérateur, et 2 jours de consigne devaient l'en châtier. Je promis à Charlot de venir souvent le prendre, en laissant le collège à mon tour. Mais, du seuil où je me retournais, je le vis qui pleurait dans la grande solitude des préaux. Je retrouvais ma vie paisible à la grangère. Une lettre récente de ma mère y annonçait son retour prochain et sa visite probable pour la semaine suivante. Ma tante m'en lut quelques passages qui s'appliquaient plus expressément à moi, et j'y trouvais une abondance heureuse de projets et de tendresse, qui me réjouit d'autant mieux que j'étais moins accoutumé à tant d'allégresse. Dès le dimanche, nous fîmes bénir à l'église des branches de laurier fleuri qui sentaient l'amande ouverte, et que Segonde fixa sous le crucifix à la tête de nos lits. Puis, avec la semaine sainte, un peu plus de silence sembla descendre sur les champs. La petite ville où il m'arriva d'accompagner ma tante pour le salut ou l'office du soir me parut elle-même pénétrée de recueillement. Je la crus déserte, le vendredi et le samedi saint. Il faisait gris, un grand vent nous forçait de baisser la tête, c'est à peine si nous rencontrâmes quelques femmes, se rendant comme nous aux ténèbres ou au chemin de croix. Leurs pas discrets s'entendaient dans la rue où des boutiques étaient closes. Nous priâmes devant le Christ voilé d'un losange violet. Les cloches ne tintaient plus. « Elles sont à Rome, » m'avait dit Segonde. « Il faut se lever tôt pour les voir partir. » J'étais demeuré sans réponse à cause du souvenir de Noël et de ses prétendus cadeaux. Mais tant de silence me frappait. Les seules ressources de la maison suffisaient à composer nos repas. Ma tante dînait d'une collation de confiture et de laitage. Je crois qu'elle ne mangea pas le jour du Vendredi Saint. Elle m'assura toutefois que les oiseaux du ciel s'en dispensaient eux-mêmes. Je sentais comme une attente autour de moi. Pendant les tièdes heures que je passais au jardin, le bruit du vent dans les branches, l'odeur d'herbe, l'enveloppe collante des derniers bourgeons que mes doigts rencontraient dans le sable, le cri des moineaux, le bouquet de fête des pommiers et les haies déjà blanches empêchaient que je fusse triste. Le verger en fleurs s'emplissait d'un parfum traînant de miel et d'amandes. Des papillons l'assaillaient vers midi, puis venaient des bourdons de velours et des mouches moins vives, dont le soleil traversait le corps diaphane. Ma joie n'attendait qu'un signal pour jaillir. Ma mère arriva la veille de Pâques et nous porta les regrets de mon père retenu au chef-lieu. Le réveil du lendemain fut une ivresse. Les baisers heureux s'y mêlèrent au chant des cloches revenues, à la fraîcheur de la route que nous suivîmes pour aller au village voisin ouïr la première messe. Ma mère et ma tante communièrent côte à côte, et je vis le soleil entrer, rouge et violet, par les vitraux du cœur. À la sortie, le bonheur était sur les visages, le désir de parler sur les lèvres, on se félicitait du temps pur. Le pauvre du seuil recevait les aumônes, et dans le ciel qui riait, tous les blancs pommiers de la terre semblaient s'être envolés. « Jésus est ressuscité !» me dit ma mère, et je le répétais après elle en l'embrassant. Son front soucieux d'habitude resplendissait. Des bandes de blé nouveau divisaient les labours roses. Elle me dit encore « Comme ce beau temps fait aimer le bon Dieu !» J'aurais voulu courir ou chanter. J'allais ce jour même chercher Charlot au collège. Je le trouvais dans la cour que le maître des grands surveillait. Il avait imaginé avec Ravet un jeu qui consistait à trouver une boule que l'un d'eux cachait de son mieux. Le croquet, délaissé, alignait ses arceaux. Des maillets gisaient à terre. Le ballon était perché. Le maître lisait. Il autorisa Charlot à monter pour s'habiller. Ravet consentit à causer avec moi durant que j'attendais, puis nous regarda partir, les mains dans ses poches. Je n'eus pas l'idée de lui demander de venir. Ma mère nous quitta bientôt, mais avec la promesse de revenir prochainement, et peut-être en compagnie de mon père. Son départ me laissa triste. L'isolement me pesa. Je songeais, sans plus les redouter, aux cris de la cour, aux bousculades volontaires, aux coups de pied risqués dans le ballon sorti des camps, à la brusque surprise d'être saisi aux épaules et maintenu comme un obstacle entre deux joueurs, aux menaces de Rupert qui feignait trois fois de vous lancer la balle et frappait lorsqu'on ne s'y attendait plus. Quel bruit il eût mené dans le jardin paisible! Les arbres auraient connu ses assauts et peut-être quelques moineaux fût-il tombé, blessé d'un jet de pierre. Charlot, lui, ne savait que suivre à quatre pattes les insectes et faire mousser les escargots. Je ne manquais pas, cependant, de l'aller chercher encore, mais pour l'attendre seulement quelques minutes dans la cour. Je me sentais pénétré de la tristesse qui emplissait le bâtiment désert. Une gamme venait de la salle à musique où quelques maîtres s'essayaient au piano. On entendait les coups de pioche du jardinier au fond du potager ou la chanson d'un domestique dans les salles vides. Je me dépêchais d'emmener Charlot. Il me contait que Ravet fouillait, un à un, les casiers des études, et le taquinait au dortoir, où il couchait seul, parce que le maître gagnait doucement sa chambre dès qu'il les croyait endormis. Les jours avaient repris leur train ordinaire sous un ciel tendre, qui demeurait clair plus longtemps, et dont l'indulgence les faisait faciles à vivre. Mon ennui même m'était doux. Le matin était un lac frais. L'après-midi, un bain tiède de silence, où tombaient, en tournant, des fleurs de marronnier. Assis sur le banc, l'esprit ailleurs qu'à mon livre, j'émiettais mon goûter à une couvée de poussins dont la mer picorait les œillets brillants de mes souliers. Il fit si bon, un soir, que ma tante sortit avec moi, après dîner, sur la terrasse. Une lueur auréolait le toit du hangar, et bientôt la lune s'y montra toute ronde. Elle montait lentement parmi de petits nuages. Les vapeurs de sa surface dessinaient une vague géographie. Ma tante croyait y voir un homme chargé de bois qui passait. Mais Terouet avait démenti que la lune fût habitée et gagé à Bereng que cet astre était mort comme le serait un jour la terre. Monsieur Lorrain lui avait donné raison. La fraîcheur nocturne se faisant plus sensible, nous rentrâmes pour gagner nos chambres. Et comme je retrouvais dans la mienne toutes mes anciennes frayeurs, je me pris à regretter la veilleuse, l'alcôve protectrice et le sommeil en commun du dortoir. Fin de la section 5.